Alors, la conversation s'engagea sur les femmes. Pèlerin n'admettait pas qu'il y eût de belles femmes. Il préférait les tigres. D'ailleurs, la femelle de l'homme était une créature inférieure dans la hiérarchie esthétique. Ce qui vous séduit, et particulièrement ce qui la dégrade comme idée, je veux dire les seins, les cheveux. Cependant, objecta Frédéric, de longs cheveux noirs, avec de grands yeux noirs. Oh, connu! S'écria Hussonnet. Assez d'Andalouses sur la pelouse. Des choses antiques, serviteur. Car enfin, voyons, pas de blague, une Lorette est plus amusante que la Vénus de Milo. Soyons Gaulois, nom d'un petit bonhomme, et Régence, si nous pouvons. Coulez, bon vin, femme, daignez sourire. Il faut passer de la brune à la blonde. Est-ce votre avis, père Dussardier ? Dussardier ne répondit pas. Tous le pressèrent pour connaître ses goûts. « Eh bien, fit-il en rougissant, moi, je voudrais aimer la même, toujours. » Cela fut dit d'une telle façon qu'il y eut un moment de silence, les uns étant surpris de cette candeur et les autres y découvrant peut-être la secrète convoitise de la rame. Sénécal posa sur le chambranle sa chope de bière et déclara dogmatiquement que, la prostitution étant une tyrannie et le mariage une immoralité, il valait mieux s'abstenir. Des Lauriers prenait les femmes comme une distraction, rien de plus. M. de Sizy avait à leur endroit toute espèce de crainte. Élevé sous les yeux d'une grand-mère dévote, il trouvait la compagnie de ces jeunes gens alléchante comme un mauvais lieu et instructive comme une Sorbonne. On ne lui ménageait pas les leçons, et il se montrait plein de zèle, jusqu'à vouloir fumer, en dépit des maux de cœur qui le tourmentaient chaque fois, régulièrement. Frédéric l'entourait de soins. Il admirait la nuance de ses cravates, la fourrure de son paletot, et surtout ses bottes, minces comme des gants, et qui semblaient insolentes de netteté et de délicatesse. Sa voiture l'attendait en bas, dans la rue.